sur le point d'être dépassé. Je serre à droite. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. J'accélère. Réponse D.